Les salles de cinéma, les théâtres, les musées pourront reprendre leur activité. Vous l'avez entendu dans l'intro, les salles de cinéma vont réouvrir le 15 décembre. Voilà, Macron a changé son discours, et heureusement, et du coup, on va pouvoir tous retourner en salle, et d'ailleurs, retourner en salle, c'est vachement important. Mais du coup, effectivement, ça pose un problème, puisque bah, les gens ne savent pas forcément quoi voir. Donc, sur cette semaine, je vais parler que de films qui seront en salle à la réouverture. Et si vous ne savez pas quoi voir quand vous retournez en salle, je vous conseille Adieu les cons d'Albert Dupontel. Il n'existe aucune trace de votre accouchement. Puis retrouver un enfant abandonné sous X depuis 30 ans, c'est très difficile. À ce point ? Oui, ça c'est normal. Hein. Donner ses données, reprendre ses volets. Je m'excuse, mais je trouve ça trop injuste. Quoi, on peut rien faire alors ? Ça peut prendre du temps. Oui, c'est-à-dire j'ai un souci de santé. Si vous êtes pressé, on s'en sort plus. Excusez ma grossièreté. Adieu les cons. Je suis sustrapée. J'étais à l'agence de santé. Excusez-moi de vous dire ça, madame, mais on kidnappe pas les gens pour leur demander de l'aide pour un dossier. On leur tire pas non plus dessus quand ils sont au travail. C'est sur moi que je tirais. Ah bon ? Je vais commencer très simplement. Adieu les cons, c'est un des meilleurs films de l'année. Voilà. Dans mon top de l'année provisoire, je dis provisoire parce que évidemment, il reste plein de films à voir, je l'ai mis en 3-4ème position, voilà, j'hésite avec un autre, je sais pas tellement qui sera en 3, qui sera en 4, mais voilà, dans mon top provisoire, il est sur le podium, voilà, on peut le dire, il est sur le podium, au pire je mettrai les deux ex aequo, mais du coup il est sur le podium. Adieu les cons, ça raconte l'histoire de Sustrapek, qui est une femme d'une quarantaine d'années environ, qui va essayer de retrouver un enfant qu'elle a abandonné sous X quand elle avait 15 ans, et qui, dans sa quête, va croiser un ingénieur informatique qui est en total burn-out, qui est en totale dépression, qui va essayer de se suicider, mais qui va involontairement shooter un collègue. Et donc, la seule qui peut l'innocenter, c'est Sustrapek, et donc il va devoir l'aider à retrouver son gosse. Voilà. Entre-temps, ils vont croiser un aveugle qui est joué par Nicolas Marié, et voilà, ça va faire une belle bande de personnages, le malade, le dépressif et l'aveugle, voilà. C'est un film qui fait énormément de bien au moral. C'est pas hyper long. C'est clairement pas hyper long, je crois que le film fait 1h25 environ. Ça joue magnifiquement bien. Vraiment, j'ai rarement vu un film où les acteurs jouaient aussi bien. C'est-à-dire qu'il n'y a pas tellement de déséquilibre. Ça m'a étonné, mais celle qui bouffe tout le casting, c'est bien évidemment Virginie Efira. Vraiment, si elle n'a pas le César de la meilleure actrice, je ne comprends pas. Voilà. Je ne vois pas, en fait, j'ai pas vu bien évidemment toutes les performances qui ont été faites cette année, mais je ne vois pas qui peut en France cette année, qui peut enlever le César à Virginie Efira. Sa performance est vachement touchante, vachement convaincante, elle arrive à être drôle quand il le faut, enfin bref, il y a vraiment tout, elle arrive à faire passer de l'émotion, c'est absolument fabuleux. Dupontel, aussi bon réalisateur qu'acteur, voilà, franchement, absolument rien à dire sur ce monsieur. On le voit, voilà, il a fait des films en tant qu'acteur, je pense à Irréversible de Gaspard Noé, dont j'ai déjà parlé, et évidemment, il a fait des films qu'il a réalisés où il s'est lui-même donné un rôle, et c'est très efficace, voilà, clairement, on va pas se mentir, Albert Dupontel, c'est un des grands cinéastes français de l'époque, et franchement, je dois avouer que j'ai pas vu beaucoup de films de lui, mais ce que j'ai vu, c'est absolument fabuleux, voilà, clairement. On a cette photographie assez différente des films français, enfin des comédies françaises en tout cas, qu'on va retrouver, qui est plus teintée vers le jaune-orangé, qui va donner une très très belle image, et qui va bien faire ressortir les couleurs. Il y a un très beau choix de couleurs, il y a une très forte présence du rouge par exemple, voilà, avec la tenue de Virginie Efira. C'est un film qui, voilà, qui esthétiquement sait parfaitement ce qu'il fait, pareil, scénaristiquement, sait exactement où il veut aller, il n'y a pas de fioritures, voilà, il y a pas de moments qui servent juste à rallonger la durée du film. Le film dure le temps qu'il faut. Voilà, tout simplement, le film dure le temps qu'il faut. Et c'est assez génial. C'est assez génial. Il y a un très bon rythme, justement, par rapport à cette faible durée, qui joue beaucoup avec le montage. Voilà, le montage du film est très très très réussi. Et le film est super émouvant. Mais genre, je ne m'y attendais pas, mais... Bon, après, voilà, faut savoir que, comme je l'ai dit souvent, je suis une personne qui pleure extrêmement facilement devant un film. Mais là, je suis sorti de la salle, j'avais mon masque tout mouillé, et mes yeux, voilà, je voyais flou. Je voyais flou à force d'avoir pleuré parce que c'est absolument fabuleux comme proposition. C'est du très très très bon cinéma. On a vraiment de la chance d'avoir des gens comme Albert Dupontel dans le cinéma français. Donc voilà, si je devais choisir un film à vous conseiller, ce serait entre celui-là et entre le film de demain. Voilà, que je ne vais pas révéler maintenant. Ce serait pas drôle. Mais du coup, voilà, Adieu les cons, c'est absolument fabuleux. C'est une réussite sur tous les points. Voilà, c'est bien mis en scène, bien réalisé. La BO est très intéressante. On a le titre Malavida de Manu Chao. Je ne sais pas si je le prononce bien, je m'excuse d'avance si ce n'est pas le cas. Qui est plutôt bien utilisé. C'est une chanson qu'on a globalement tous entendue, mais qui est là et bien utilisée pour rappeler les souvenirs, voilà, les souvenirs de Virginie Efira. Je prends cette chanson-là comme exemple, mais la bande originale du film qui était composée par Christophe Julien, que je ne connaissais pas, ou alors je le connaissais sans savoir que c'était lui qui avait fait les BO. Mais en tout cas, je l'ai trouvée plutôt convaincante. Le thème d'ouverture est très beau, je trouve. Ça me faisait peur au début parce que on m'a vraiment dit genre comédie romantique à l'eau de rose qui va te donner des grandes leçons sur la vie. Mais au final, non, non, non. Au final, c'est très bien géré, voilà. Il y a une très très belle BO, que ce soit les chansons qui sont apportées, enfin qui ne sont pas composées spécialement pour le film ou les chansons même composées pour le film. Petite anecdote, le projet date quand même de quelques années, puisque ça a commencé à être évoqué en 2013, quand Albert Dupontel avait fait 9 mois ferme. Le tournage a lieu principalement vers l'Île-de-France, voilà. Et c'est dédié à Terry Jones, qui est un ancien membre des Monty Python. Les Monty Python, si vous ne connaissez pas, c'est un groupe d'humoristes, voilà. Où on retrouve également Terry Gilliam, qui fait un caméo, voilà, dans le film enfin, dans Adieu les cons. Et donc Albert Dupontel les aime beaucoup, et Terry Jones avait déjà joué dans quelques-uns de ses films. Donc voilà, le film lui est dédié. Alors, il y a quand même des côtés qui m'ont un peu dérangé dans le film, voilà. Il y a par exemple quand il retrouve le fils de Ephira, on se rend compte qui stalke en fait totalement une femme dont il est amoureux. Et c'est montré comme un truc genre très, oh c'est trop mignon, il lui écrit des lettres, oh il la suit un peu. Enfin, ça m'a quand même un peu gêné. Parce que bah c'est flippant quoi. Bon, même si la série n'est pas spécialement voilà exceptionnelle, la série You de Netflix traite aussi de ça bien différemment puisque bon bah là c'est vraiment un psychopathe. Donc là en aucun cas le personnage est un psychopathe. Mais bon montrer ça comme un truc vachement mignon qui fait craquer les filles, je sais pas. Pas si c'est une bonne chose, quoi. Je suis même convaincu que c'est pas une bonne chose parce que ça peut peut-être pousser des gens à le faire et ça peut créer du harcèlement, quoi. Et c'est vraiment pas fou, voilà. À part ça, je trouve qu'il n'y a pas tellement de défauts apparents ou de trucs qui m'ont gêné dans le film. Donc voilà, c'est vraiment une réussite en tout point. Donc n'hésitez pas à aller le voir, je pense qu'il sera disponible dans tous les types de salles. Voilà, autant les multiplexes que les petites salles indépendantes, à peu près partout dans toute la France. Donc voilà, si vous avez l'occasion, n'hésitez pas à aller voir Adieu les cons, parce que c'est formidable tout simplement. Et donc, si vous n'avez pas eu l'envie d'aller voir Adieu les cons en écoutant ce podcast, on se retrouve demain tout simplement pour une nouvelle recommandation, évidemment, à voir en salle dès la réouverture. Porque trato yo también cuando tú me hablas como a un cabrón, tan a mi corazón está su